Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Venez, n'ayez pas peur. Asseyez-vous. Avec ce froid qui nous mord les os, ah oui, on est mieux ici que dehors. Hein. Mais oui, servez-vous un godet. Ça réchauffe. Dis donc, qu'est-ce que vous faites ici si tard, dans cette auberge aussi mal famée? Ouh, ne chercherez pas à s'encanailler. Oh, vous avez raison, ça ne me regarde pas. Nous avons tous nos petits secrets. En tout cas, je vais vous dire un truc. Ici, on est tous du côté de Cartouche. Comment ça? Vous ne le connaissez pas? Oh purée, c'est la meilleure! Mais vous sortez d'où? Cartouche, le brigand magnifique, le roi des voleurs, l'ennemi public numéro 1. Toujours rien? Bon, on va arranger ça. Ouvrez grand vos oreilles, réservez-vous un petit godet et surveillez votre bourse, on ne sait jamais. Petit, moche, agile et sacrément malin, voici l'odyssée du fameux Cartouche, chef de bande, séducteur, voleur, tricheur, menteur. Si vous cherchez le rififi, ouais, vous allez être servi. À travers la brume et les nuages, l'astre du jour se lève sur l'année 1693. Voici 50 ans. 50 ans tout rond que le roi Soleil, Louis XIV, éclaire le royaume de France de ses implacables rayons. Et ma foi... Oh, ça sent un peu la fin de règne. Après des années prospères, la France est frappée par des épidémies et des famines. Loin de la cour, des paysans ruinés par des années de mauvaises récoltes quittent les campagnes pour la capitale. Alors Paris grouille. Dans les rues, ça se frôle, ça se marche dessus, il y a du monde partout. La ville palpite. C'est la fête, ou bien la misère, selon le ticket reçu à la loterie de la vie. C'est ici, aux portes de cette cité bouillonnante, rue du Pont aux Choux, que naît notre bonhomme, ou plutôt notre héros, Louis-Dominique Cartouche. De ses premières années, on ne sait pas grand-chose. Ah, mais si, évidemment. Son père, fabricant de tonneaux, est un ancien militaire qui aime l'ordre et la discipline. Alors son fils, il veut le voir filer droit. Et j'ai comme l'impression... Oula, que ce n'est pas gagné. Le droit chemin, mais qu'est-ce que ça veut dire? La vie prend plein de détours alors qu'il m'explique, le vieux crouton, ce qu'il y a de droit là-dedans. Pas faux. Cartouche fugue dès l'âge de 12 ans. Sans foi ni loi, sans famille. Moi, ce que j'aime, c'est la rue. Eh bien, va pour la rue. Nous sommes au cœur de Paris, dans le quartier du Châtelet, près du Pont-Neuf. Au milieu des marchés, entre les poules, les moutons et les vendeurs de rue, des bonimenteurs haranguent la foule pour vendre leur remède miracle. C'est bon. Et là, oh, regardez, on se presse pour éviter des fiacres. Ou bien des pots de chambre vidés rapido depuis les fenêtres. Cartouche traîne ici et là, souvent dans les auberges. Il joue aux cartes, enfin, il triche aux cartes. Et ne manque jamais de glisser sa petite mimine agile dans les poches ouvertes. Il en sort toujours quelques merveilles. Une ou deux pièces d'or, des montres à gousset, des bagues, oh, des bracelets. Assez petit et menu, Cartouche est surnommé l'enfant. Et ça a beaucoup d'avantages. Rapide et souple comme un acrobate, on dirait un courant d'air. D'ailleurs... En parlant de courant d'air, oh, oh, mais c'est pas fini ce vacarme? Qu'est-ce que c'est que ce boucan d'enfer? Sapristi, c'est un officier du roi. Oh, qui cherche à envoler des hommes? Bah oui, tu m'étonnes. Cela fait 30 ans que le royaume de France est en guerre. Et les guerres, hélas, se gagnent ou se perdent avec le sang des hommes. S'il y a parmi vous des jeunes gens fringants qui rêvent de se couvrir de gloire, qu'ils me rejoignent. J'offre à manger... et à boire, au nom de sa majesté, le roi de France. Et voilà type à notre cartouche qui boit un godet, deux godets, 3, 4, 5, 6, 8, 12 godets à la santé du roi. Ouh, il doit plus être très frais. Bon alors, où est-ce que je dois signer? Ah oui, je confirme. Juste ici, jeune homme. C'est ainsi que notre cartouche, enrôlée dans l'armée de Louis XIV, est envoyée batailler au nord, dans cette région qu'on appelle la Flandre. Là-bas, le royaume de France combat l'Angleterre, l'Autriche et les Provinces-Unies. Tous se disputent la couronne d'Espagne. Cartouche reste cartouche, où qu'il soit. L'armée ne nourrit pas toujours bien les soldats? Pas de problème! Entre deux batailles, il va avec ses camarades à la picorée pour se dorloter le gosier. Poules, légumes, fromages, vin, il pille les fermiers du coin. Oh pétard! Ils volent tout ce qu'ils trouvent, les gonzes! En 1713, la guerre terminée, on renvoie les soldats chez eux, sans rien, sans un sou, ni même... Oh, peu cher! Un petit saucisson? À Paris, des soldats désœuvrés dorment dehors, ils zonent, chapardent et mendient. Parmi eux, on retrouve notre fameux cartouche. Le filou, 20 ans, réunit ses anciens camarades. Hé hey les gars, pourquoi on ne porterait pas nous aussi de la soie, des dentelles et du velours? Puisqu'on est à sec, on va se servir nous-mêmes. Et cette fois, c'est les richoux qui vont payer. Une seule règle, mes amis, prendre sans être pris. Et ainsi, Cartouche prend la tête d'une petite bande. Durant 2 ou 3 ans, ils s'en mettent plein les poches. Et la tempête que s'apprête à traverser la France va leur donner un sacré coup de pouce. En 1715, le roi Louis XIV meurt. Ah, ça, on peut dire qu'il s'est accroché. 76 ans, à l'époque, c'est très vieux. Le pays est sans dessus dessous. Et même sans dessous, autant dire carrément, sans slip. Bah quoi, oui, c'est vrai, je l'ai dit, la France est sans slip. Louis XIV a ruiné le pays, les caisses de l'État sont vides. Philippe d'Orléans, le régent, dirige le royaume en attendant que le petit Louis XV, 5 ans à peine, gagne quelques pointures de souliers. Alors déjà que ça n'allait pas fort, là on frôle la catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais! Le régent fait appel à John Lass, un économiste écossais très vite surnommé le sorcier. C'est que le bonhomme promet de faire des miracles! Ouais. Vous y croyez, vous, aux miracles? Pour remettre le royaume de France sur pied, c'est très simple. Il faut que l'argent circule. L'argent appelle l'argent. Du flux. Vos louis d'or sont trop difficiles à transporter. Remplacez-les par des billets. Vous verrez, c'est très pratique, les billets. On peut en fabriquer autant qu'on veut. Et l'argent, étrangement, se met à couler à flot. Rue Quincampoix, les hommes se promènent les poches remplies de billets de banque. Alors, ce ne sont plus 2 ou 3 pièces d'or qu'on peut chiper, mais de véritables fortunes. C'est l'âge d'or des voleurs, et Cartouche compte bien en profiter. Le bandit dirige désormais un réseau qui réunit des informateurs et des complices dissimulés dans tout Paris. Des valets, des femmes de chambre, des policiers et même des gardes royaux n'hésitent pas à lui prêter main forte. Enfin de retour, monsieur le commissaire. Tiens. Dans certains hôtels particuliers de la capitale, disparaissent, comme par enchantement, des plats d'argent, des chandeliers, des tableaux, des bijoux. Cartouche ne se fait jamais prendre. Il faut dire aussi qu'il est bien protégé par sa bande. Tire le stache, bras de fer, Jeanneton la ravaudeuse, écoutez-moi bien. La police pense que je traverserai le pont neuf ce soir à 18h avec un habit orange et rouge. Hein? T'es sûr? C'est un peu voyant, non? Justement, banane, c'est le but. À cette heure précise, vous posterez 10 de vos hommes un peu partout sur le pont, parés des mêmes couleurs. Les policiers ne sauront plus où donner de la tête. On va les rendre complètement chèvres. Quelle heure est-il? Parfait. On a même le temps de se boire un petit coup. À cette époque, les logements populaires sont très petits et les murs extrêmement fins. Résultat, toutes les réunions ont lieu secrètement dans les auberges. Et ça tombe bien, elles ont toujours 2 entrées. Ainsi, en cas de besoin, pof, on peut s'échapper facile. Paris devient la capitale du crime organisé. Cartouche et ses cartouchiens ont plein d'idées. On installe des barreaux aux fenêtres? Qu'à cela ne tienne. Nos fripons se servent de longs crochets qui leur permettent d'atteindre leur précieux butin à travers les barreaux. Rien ne peut arrêter Cartouche qui ose tout, même s'attaquer à l'homme le plus puissant du royaume, Philippe d'Orléans. Cartouche visite régulièrement le palais royal, sa demeure, pour y dérober ses épées à poignée de nacre. Lorsque le régent remplace sa collection par des modèles sans valeur, la réponse de Cartouche ne se fait pas attendre. Le lendemain, il fait rapporter son butin de pacotille, accompagné de ce petit mot. Au plus grand voleur du royaume, oui, je parle de vous, monsieur le régent, me faire déplacer pour si peu. Merci bien. Une autre fois, passant par la cheminée d'un hôtel particulier, il tombe nez à nez avec une marquise installée dans son salon. Il balaye alors poliment les cendres avant de demander la sortie. Quelques jours plus tard, il envoie en guise d'excuse à la marquise un magnifique diamant. Cartouche, c'est certain, n'est pas un bandit comme les autres. Il a de l'humour, du panache, et ça fait toute la différence. Notre fripouille est adoré par le peuple de Paris. Il prend aux riches pour... pour qui d'ailleurs ? Ah, tiens, posons-lui directement la question. Cartouche, dites-nous, pour qui voulez-vous ? Bah pour moi alors. Mais vous ne redistribuez pas un peu à ceux qui en auraient besoin ? Non. Ok, oui, bon, au moins, il fait trembler le pouvoir. Et venge le peuple de Paris, fatigué par tant d'années de guerre et de misère. Oula, ne nous emballons pas. Notre crapule est loin d'être un héros sympathique. Comme tous les bandits, il sait se montrer cruel, sans pitié. Et quoi qu'il arrive, il garde le sens du commerce. C'est une nuit noire et glaciale, une nuit de décembre 1719. Cartouche, un peu pompette, sort du cabaret de l'épée. Ouh, attention mon vieux. Ça glisse. Un pied devant l'autre, il passe par le pont neuf lorsqu'il aperçoit, là, sur le parapet, un homme prêt à se jeter dans la Seine. Sans réfléchir, Cartouche court et le sauve. Le bonhomme, drapier de profession, lui apprend qu'il a perdu toute sa fortune. Alors le lendemain, Cartouche, grand seigneur, règle ses dettes auprès de ses créanciers. Quelques heures plus tard, ces derniers, comme par hasard, se font attaquer par de mystérieux voleurs. 8 ans durant, Cartouche et les cartouchiens sèment la pagaille dans tout Paris. Et puis, ce qui devait arriver, arrive. En 1721, le bandit est arrêté. Durant des siècles, les romanciers n'ont cessé de raconter son histoire, ou plutôt sa légende. Ils ont fait de cette véritable crapule un héros hautement sympathique. Et c'est ainsi que Cartouche, fripouille sans pitié mais sacrément malin, est devenu immortel. Derrière cette odyssée, il y a Fanny Leroy, Anne Niro, Basile Bocquer, Cédric Chaclus et dans le rôle de Cartouche, l'incroyable, le merveilleux Quentin Luy. Et bon, oui, il y a aussi moi, Laure Grand-Besançon, mais vous me connaissez. De son vivant, Cartouche est le héros de centaines de poèmes, de chansons. Voici le début de l'une d'entre elles. Je chante les combats de ce fameux voleur qui, par sa vigilance et sa rare valeur, fit trembler tout Paris, arrêta main carence, voilà, frappa, tua, fit partout plaît, bosse. Y'a quelqu'un? Youhou! Y'a plus personne? Non, Laure, ils sont tous partis. On a éteint la régie, là. Ah, ok. Ça marche. Et joyeux Noël! Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Après le succès, la reprise. Retrouvez Laure Grand-Besançon sur scène dans le spectacle Les Odyssées, adapté du podcast. Actuellement au Théâtre Libre à Paris. Réservez vos places.